Lamartine par Léon Gautier. Chapitre 1er. Nous sommes de ceux qui aiment passionnément ce siècle où nous vivons, et qui, pour parler aujourd'hui de la seule poésie, le considèrent comme le plus grand de tous nos siècles littéraires. C'est seulement de nos jours que la poésie a conquis au milieu de nous l'admirable plénitude de sa perfection extérieure. Il va sans dire que nous ne voulons parler que de la France et que nous acceptons la tragédie, le drame, d'un jugement qui n'atteint pas et ne saurait atteindre ces deux génies presque incomparables, Corneille et Racine. Nous ne comprenons pas d'ailleurs, et nous ne comprendrons jamais, que l'on ne puisse très intimement associer dans son admiration l'auteur d'Athalie et celui des Méditations, et que l'on essaie niaisement de refuser aux véritables beautés de la poésie contemporaine l'admiration qu'on accorde si facilement aux beautés véritables de la poésie du XVIIe siècle. Il faut avoir une intelligence très large. Il faut savoir tout admirer. C'est à la dilatation de son entendement que l'on reconnaît un chrétien. La poésie en France a traversé avant notre siècle deux périodes brillantes, dont l'une est par malheur beaucoup moins connue que l'autre, le Moyen-Âge et le siècle de Louis XIV. À aucune de ces deux époques, elle n'a peut-être autant de droit que de nos jours à l'estime d'un juge intelligent et impartial. Nous allons tenter de le démontrer. Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, au XIIIe siècle qu'il convient de placer, au Moyen-Âge, le point culminant, le sommet de notre poésie nationale. Non. Il est aujourd'hui bien démontré, et universellement reconnu, que le XIIIe siècle est encore l'époque, par excellence, des splendeurs de la théologie et de la politique chrétienne, mais que la poésie n'y jette plus que de pauvres lueurs, et est pleinement entrée dans l'ère de sa décadence. La poésie a trouvé, je le sais, de beaux refuges dans la prose des théologiens de l'école franciscaine, et surtout de Saint Bonaventure. Mais enfin, le rythme, l'image, le vers, nous apparaissent, dans nos poètes français de cette époque, avec une physionomie terne, monotone, fatiguée, et pour tout dire, médiocre. C'est le temps où fleurissent à foison les derniers romans de chevalerie, déjà trop élégant et tout à fait artificiel. C'est le temps des chansons demi-graveleuses. C'est le temps où je ne sais quel méchant petit Voltaire écrit contre l'Église le roman du renard, et où les allégories tourmentées du roman de la rose obtiennent le plus étonnant, et je le dirais volontiers, le plus immérité de tous les succès. Mais voulez-vous connaître la vraie poésie du Moyen-Âge, vigoureuse, naturelle, ample, ardente, pleine d'un souffle puissant et d'une belle fierté indomptée? Voulez-vous connaître un chef-d'œuvre plus imparfait sans doute, mais plus chrétien que la Divine Comédie, et dont vous pourrez admirer sans réserve l'inspiration pleinement, naïvement orthodoxe? Lisez notre chanson de Roland du XIe siècle. Comment se peut-il faire que des Français et des chrétiens, ayant l'honneur de tenir une plume, ignore encore la plus noble et la plus pure de toutes nos gloires littéraires? Là, tout est vrai, tout est français, tout est chrétien. C'est de la grande épopée sincère. Dans 50 ans, nos enfants la sauront par cœur. Aujourd'hui, nos plus illustres critiques la dédaignent et l'ignorent. Disons tout. À ce chef-d'œuvre, comme à presque tous ceux du Moyen-Âge, il manque une perfection, celle de la forme. Notre langue, hélas, n'a pas encore achevé sa formation difficile. L'enfant bégaye. Ce n'est pas encore le parler de l'homme. Puis, le style, ce cachet original de toute œuvre littéraire ou artistique, le style n'éclate point assez vivement dans ce poème, que la beauté de son fond rendra facilement immortel, mais qui ne mériterait point de l'être à d'autres titres. En un seul vers de Dante, « Morte villana, di pietà nemica », il y a plus de style peut-être que dans toute la chanson de Roland. En deux mots, toute cette poésie, sublime quant à la pensée, est inférieure par la forme, et c'est pourquoi nous ne saurions la saluer comme notre idéal tout à fait réalisé. Au XVIIe siècle, tout au contraire, la forme sera le plus souvent d'une perfection désespérante. Mais, qui le croirait, en pleine civilisation chrétienne, la pensée des poètes sera païenne. C'est en vain qu'on chercherait entre la Renaissance proprement dite et le siècle de Louis XIV une solution de continuité, une opposition ou seulement un contraste. Le siècle de Louis XIV n'est évidemment que la Renaissance continue, régularisée, disciplinée, alignée. Malherbe, si sévère à l'égard de Ronsard, ne prétendait en réalité différer de lui que par la langue et demeurait aussi païen. Dieu n'est pas poétique, la vérité n'est pas poétique. C'est là le cri du XVIIe comme du XVIe siècle. Cri inintelligent et qui nous indigne très profondément. Boileau, là-dessus, ne veut pas entendre raison, et son art poétique peut à bon droit passer pour le code et le reflet de tout son temps. Fénelon pense de même, et le fond de toute la doctrine du siècle est dans le mot de Malherbe. Un poète n'est pas plus utile à l'État qu'un joueur de quilles. Oui, la poésie aux yeux de Louis XIV et de son temps est un noble loisir, un amusement libéral, un art d'agrément, enfin. Cela peut distraire le roi. Les beaux vers sont à l'usage des mécènes. Mais quant à faire de la poésie l'expression adéquate de l'âme chrétienne, l'explosion de nos sentiments et de nos pensées intimes, la forme de notre culte envers Dieu, on n'y a point songé durant le grand siècle, qui en cela ne mérite pas le nom de grand. Calculez, par une statistique facile, combien de fois vous trouverez les mots âme et Dieu au singulier dans toute la poésie de cette époque quelquefois trop vantée. Le résultat de cette addition peu compliquée sera véritablement désolant. On n'ose être chrétien que dans les traductions. Racine, Corneille, Rousseau traduisent les psaumes ou les hymnes du bréviaire. C'est une fantaisie pieuse qui leur est permise et qui même obtint un véritable succès, témoin les 40 éditions de l'Imitation de Jésus-Christ de Pierre Corneille. Mais, quand on ne traduit pas, il est presque inconvenant d'être chrétien, d'être homme. Le recueil de Jean-Baptiste Rousseau nous offre ici le type de toute la poésie du XVIIe siècle, recueil étrange. Sur 4 livres d'odes, un seul est consacré à Dieu, et ce sont des psaumes amplifiés ou traduits. Les 3 autres sont païens et le sont assez platement. Le volume se termine par un recueil d'épîtres et d'épigrammes méchantes et fielleuses. Car, lorsqu'il s'agit de raconter ses petites affaires au public, ou de jeter de grosses pierres dans les vitres de son voisin, le siècle de Boileau ne craint pas d'être intime, et tout le XVIIIe siècle suivra ce bel exemple. La poésie fut en France, durant 200 ans et plus, l'écho véritable de l'âme, alors seulement que cette âme était pleine de haine ou de mépris à l'égard des hommes et de Dieu. Nous convenons d'ailleurs que la forme en a été souvent parfaite. Notre langue est devenue limpide et classique. Chaque écrivain désormais a son style qui le trahit aisément. Les œuvres les plus banales sont longuement et consciencieusement travaillées. On les remet 100 fois sur le métier, elles sont correctes, elles sont dignes de servir de modèle à tous ceux qui se piqueront jamais de savoir écrire. Mais je n'y sens point frémir l'âme humaine tournée vers Dieu. Mais la pensée y est factice. Mais ce n'est pas la conversation de l'homme avec lui-même ou avec Dieu, et par conséquent, ce n'est pas encore la réalisation de mon idéal. Ainsi, durant les temps qui ont précédé le nôtre, toute l'histoire de la poésie française se résume en ces 2 propositions qui n'ont rien de glorieux ni de consolant. Lorsque cette poésie eut la perfection de la pensée, il lui manqua celle de la forme. Lorsqu'elle eut la perfection de la forme, il lui manqua celle de la pensée. Il importait étrangement de faire cesser une opposition si désastreuse.